lumière ce que j'ai à dire au nom de certains qui se retiennent d'aigner m'écouter, moi qui ai né parmi les satellites, la fibre optique sous le règne de l'Amérique. Épiés par les médias, leurs caméras deviennent nos yeux, leurs récits deviennent la vie générale, faites place au scandale. À cause de ça, on oublie trop souvent les bons petits étudiants. On voit juste le gros gars de tétané qui couche dans une poubelle, fâché que sa vie soit chicken swell. C'est juste un exemple dans un immense répertoire. Ah, oh, j'ai pas rapport, ah, oh, t'es pas d'accord. Moi, je traduis en mots ce que mes yeux perçoivent, tu peux trouver ça cave. Mais c'est vrai, aussi vrai pis chiant qu'à tous les ans pour faire une campagne antiraciste, parce qu'il y a des cons qui oublient qu'il faut pas qu'ils soient. C'est quoi qui marche pas? Sortez-moi de là, quelqu'un. Quand on m'a élevé, on m'a dit sois gentil, poli, courtois. Pourquoi? Si t'es comme ça, on profite de toi. Ce sont des faits, mais on fait rien. C'est comme pogner sa blonde avec un inconnu, les culottes baissées. Pis qu'elle dit c'est pas ce que tu penses. Faut se rendre à l'évidence. Et des pecs pour la vie, valeur, fonce sur ce bon allure, c'est dangereux. Même pas 20 secondes, pourquoi faire des tracks complets de ça? Juste pour dire ce monde, c'est rare que je tombe en amour. Pourquoi je te donnerais du love? Juste pour bien paraître? Non merci, moi je fuck les normes. Si mon produit vend pas, je peux-tu me défendre que je suis underground? Pis si au contraire ça pointe, ça veut tu dis je fais rien que tu bounce. On pense que ça l'avance, que les choses penchent dans le bon sens. Le rap c'est un art, c'est rare que ça marche à cause de la chance. En théorie on dit qu'on est comme ci pis comme ça, mais en pratique c'est toute une autre gamique. On prouve sa valeur par ses actions, non par ses paroles. Les paroles sont futiles et volatiles, tandis qu'une action on s'en souvient. S'inventer c'est facile, être c'est difficile. Pour la vie valeur, pense que ce soit pas d'ailleurs, c'est dangereux. On marche sur des œufs, mais ça nous importe pas. De toute façon, la vie c'est dur, un fini trop. Puis ça peut crever des pneus. Puis ça peut crever des pneus. La vérité, un surnom, qu'une épique, j't'assure qu'on est direct. Si t'es pas prêt pour ça, un conseil, va t'en du Québec. Même à ça, j'vois ta détrousse, pis peu importe ta cachette. Yeah, peu importe ta cachette. Partout autour de moi, ça chie, mais y'a pas toilette. On parle de religion, mais t'as-tu vu le nombre de sectes? Que Dieu soit loué, c'est encore pris l'œil et ta vente. Tout le monde s'accrise la bosse en autant que le produit marchand. Il faut tout pour faire un monde. Mais j'vais passer des bombes, pis des trous dans la couche de zone. C'est pas que j'suis un Greenpeace. Mais ce qu'on voit des fois, sacrement que ça paralyse. La connerie est profonde, mère nature est pas contente, à ce moment le clan ton air gronde, on dit. On dirait qu'on fait exprès, pis y'a du vrai. On n'est pas si naïf, on sait, pis ça met en crise. Tout le monde veut s'affirmer, checker, je sais, parade de fif. Faut que je pose, faut que je compte. Montréal veut l'importante des gays, mais tout le monde a honte. Des affaires connes qui se passent, en veux-tu en une société qui se féminise, différent, c'est plus les gars. Les gars, c'est pis les femmes sont fortes, les gars se penchent chez les femmes, l'emporte. Pis yo, la main choisit ton arme. Y'a un combat qui commence, pis fais pas ton arme sale. Tu le savais depuis des années qu'un jour faudrait que tu montes la garde. Enrôlez-vous qui nous propose, allez défendre un pays qui nous chie n'importe quand pour eux tout est rose. Je me promène à pied, pis les déceptions sont aux yeux. Un père de famille qui est alcoolique, qui fait semblant d'être heureux. Une mère monoparentale qui vont finir si Dieu le veut. La pyramide des anges inverse, les baby boomers s'en viennent Dieu. Face à son bien peureux, de le fruit, c'est pas bien mieux. Ce qui se passe, ça me rend nerveux. Pour tout ça, je passerai bien une larme, je suis un homme, c'est pour que je m'artienne. Mais quand on accumule trop, c'est là que la vie peut devenir chienne. Si y'a quelqu'un assis qui vous observe, faites attention. Parce que je prends des notes en vue d'une prochaine réaction.